véhicule en décembre. Y'a plus de sol sous nos pieds, plus qu'un fil qui nous supporte. Est-ce que tout va s'écrouler si l'un claque la porte? On se sépare, on se sépare par cœur. On se hait comme un frère aime une sœur. Et si l'un part, est-ce que l'autre en meurt? Lequel de nous deux osera? Qui fera le dernier pas? On se sépare, on se sépare par cœur. Et si l'on quelques heures, est-ce que c'est pas, est-ce que c'est par peur? Et si c'était mieux comme ça, est-ce qu'un jour on le saura? Aucun des mots qu'on se dit ne peut faire fondre la glace. Aucun éteint l'incendie qui gronde à la surface. Quand on a passé la porte, est-ce qu'une fois dans la rue, une vague nous emporte? Si enfin on arrêtait de résister au courant et qu'on se laissait porter jusqu'à l'océan, lequel de nous deux osera? Qui fera le dernier pas? On se sépare, on se sépare par cœur. On se hait comme un frère aime une sœur. Est-ce que l'autre en meurt? Lequel de nous deux osera? Qui fera le dernier pas? On se sépare, on se sépare par cœur. Et si l'on reste encore quelques heures? Est-ce que c'est par, est-ce que c'est par peur? Et si c'était mieux comme ça?